Chapitre 4. Une star dans l'embarras. Le marquis Santonelli était l'homme des promptes décisions. Suivant une expression fort usitée, il ne s'attardait pas à laisser l'herbe croître sous ses pieds. Aussi, pour gagner les bonnes grâces de John Dudley, dont il espérait bien devenir le gendre, avait-il jugé bon de flatter ses fantaisies de parvenu. Le Yankee caressait deux marottes. L'une était d'avoir, dans les eaux méditerranéennes, un luxueux yacht de plaisance qui lui servirait à faire des croisières. L'autre, de posséder un palais, résidence seigneuriale d'autrefois, dans quelqu'une des grandes cités italiennes. Il donnait suite en cela son projet bien arrêté de faire un jour de Liliane une grande dame appartenant de par son mariage à la haute société aristocratique du vieux monde. Ses caprices de milliardaire se complétaient l'un par l'autre, et Luciano songea tout d'abord, comme de juste, à satisfaire le premier. Il devait être favorisé dans son dessein par un hasard vraiment providentiel. Au Havre, en parcourant les journaux parisiens, il avait pu lire, à la rubrique des cinémas, que la star Gaby Massin devait prochainement se rendre à Hollywood, spécialement engagée pour y tourner plusieurs films. « Mais voilà mon affaire », songea-t-il, en se souvenant que la star était propriétaire d'un fort beau yacht, le Cynthia, qu'un riche planteur brésilien, Pedro Albufeira, son protecteur, lui avait laissé en héritage avant de se suicider à la suite du krach qu'il avait ruiné. Gaby n'était rien moins que yacht woman et avait aussitôt cherché à se défaire de ce qu'elle appelait un raffio encombrant et combien coûteux. Le moment était mal choisi, à cause de la crise financière et aucun acquéreur ne s'était présenté. Il y avait de grandes chances pour qu'il en fût encore ainsi, et son séjour prolongé à Hollywood ne pouvait que la pousser à accepter l'offre qu'on lui ferait de lui acheter le Cynthia, condamné à un repos forcé quelque part sur la Riviera. Nice, probablement. Gaby, d'ailleurs, était une amie qu'il avait connue, alors que toute jeune encore, elle faisait ses débuts dans la vie galante. Elle dansait alors dans les boîtes de nuit de Montmartre. De loin en loin, Santonelli avait suivi sa marche ascendante, et s'il ne la voyait plus qu'à de rares intervalles, toujours cependant, ils étaient restés bons camarades. À peine arrivé à Paris, en compagnie des Dudley, il laissa le père et la fille au grand hôtel où ils étaient descendus et courut chez la star qui occupait un coquet appartement rue de Villejuste. C'était toujours la jolie fille qu'il avait connue. Elle ne put s'empêcher de le remarquer quand elle vint le retrouver vêtue d'un très saillant pyjama. « Ah, Lulu » s'écria-t-elle en ouvrant de grands yeux étonnés. « Eh bien, tu parles d'une surprise. Si je m'attendais à une visite, ce n'était certainement pas la tienne. Qu'est-ce qui t'amène, mon grand ?» Très galamment, il lui prit sa main et y posa les lèvres. « Mais je viens te féliciter de tes succès. J'ai appris par les journaux que tu viens d'avoir de magnifiques engagements pour les studios d'Hollywood. » Il eut un rire bruyant, qui sonnait quelque peu faux, et tout de suite s'écria. « Non, mais tu as été assez naïf pour croire à ce bobard. Tu n'as donc pas compris que je soigne ainsi ma publicité. Tu sais pourtant bien que nous autres, il ne faut pas se laisser oublier du public, autrement c'est la mort sans phrase. » Un engagement pour Hollywood, je voudrais bien. Je n'attends que cela. Mais ce sont les produits au sort qui ne se présentent pas. Ils me laissent royalement tomber. Cette révélation inattendue était d'importance. Gaby Massin devait être dans une situation embarrassée, et sans doute le marquis arrivait-il en temps opportun. Alors, c'est le marasme, fit-il en feignant de s'apitoyer. À qui le dis-tu? C'est la mort de mon Pedro qui m'a fichu la poisse. Rien ne va plus. « Diable, à ce point-là, vraiment ? Pire que cela, mon cher. J'avais tenté de me refaire la cerise à la bourse, histoire de tenir le coup. Un banquier de mes amis me donne le tuyau. Je joue à la hausse, c'est la baisse qui se produit. Il me promet de me faire attraper ça, me demande de lui remettre des fonds, je marche. Il saute et file je ne sais où, et ma belle galette aussi. Voilà où j'en suis, sans un. » Pour Albufeira, j'avais quitté les studios. On m'a oublié, et maintenant, à bout de souffle, il faut remonter le courant. Tu te rends compte ? Santonelli donna un coup d'œil circulaire à l'appartement, luxueusement meublé. « Mais il me semble tout de même, hasarda-t-il. « Quoi, les bois ? Mettons que j'en tire 40 billets, ce sera le bout du monde. Et après, où irai-je ? À l'auberge ? Non, non, très peu pour moi. C'est hors de prix, je serai vite au bout du rouleau. » Le marquis demeura un instant songeur, puis s'exclama. « Faut pas broyer du noir comme ça, ma petite Gaby. C'est facile à dire. Et si je te sortais d'affaire ? Toi, Lulu ? » fit-elle, stupéfaite. « Pourquoi pas ? T'es donc plein aux as ? Ah, je sais bien qu'avec toi, il y a de la ressource, mais tout de même. Voyons, ton yacht, le Cynthia, tu l'as toujours. Le Rafio. Ah oui, parlons-en. Encore un souvenir de mon Brésilien. Bien sûr que je l'ai toujours. Impossible de le bazarder. Il est à quai, à Nice. Et puis, sans compter qu'il me coûte, il n'y a pas 8 jours encore, mon capitaine, ce brave Berton, m'écrivait. Je lui dois 3 mois d'appointement, et il n'a pas de quoi payer le salaire de ses hommes d'équipage, les 3 seulement qu'il reste. Tu ne trouves donc pas à vendre ton bateau? Qui veux-tu qui achète? Personne n'a d'argent, ou ceux qui en ont le gardent en prévision des événements? Et si je te trouvais un acquéreur, moi? La star ouvrit de grands yeux éberlués. À ça, par exemple, ce serait épatant. Mais j'ai bien peine à te croire. Et puis d'abord, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Elle se leva, courut un meuble et en retira des papiers parmi lesquels se trouvait une photo d'assez grande dimension. Tiens, voilà le Rafio. Qu'est-ce que t'en penses? Le Cynthia était vraiment un yacht de luxe, dont la silhouette blanche faisait belle figure sur cette mer très calme, et se détachant nettement au centre du décor que formait le port. Sur le pont, les hommes de l'équipage étaient tous à leur poste et auprès du capitaine Berton, on distinguait Gaby Massin, autour de qui se groupaient quelques amis. « C'est tout à fait ce que j'imaginais, » déclara le marquis. « Tu crois que cela plaira à ton acheteur ?»« J'en suis d'autant plus certain que l'acheteur, c'est moi. » Les traits de la jeune femme s'assombrirent quelque peu. Ses sourcils se froncèrent légèrement et elle s'exclama. « Ah, pas de chiquet, hein, c'est du comptant. » T'ai-je dit que je voulais m'en rendre acquéreur autrement ?»« Non, mais combien en veux-tu ? » Cette question, est-ce que je sais, moi, surtout avec un ami, je ne veux pas me montrer trop exigeante. Dis ton prix, tu peux y aller carrément, ce n'est pas pour mon compte que je traite l'affaire. Oh, alors ? Gaby réfléchit un instant. Visiblement, elle se sentait prise de court, à l'improviste. Elle consulta quelques papiers, ceux parmi lesquels elle avait pris la photo, et à tout hasard lança 300 billets. C'est une affaire, il en a coûté le double. D'accord, je te prends au mot, 300 000 francs. Elle regretta de n'avoir pas demandé davantage, mais du moment que le marché était conclu, il ne fallait pas songer à revenir dessus. « Et à quand le règlement ? » demanda-t-elle vivement intéressée. « Mais aujourd'hui même, ma chérie. » Elle bondit de joie et, sautant au cou du marquis, scella la corde d'un tendre baiser, ajoutant aussitôt « Tiens, Lulu, tu es un as. Non, vraiment, tu es très chic, car tu peux te vanter de me tirer une rude épine du pied. Je ne savais pas où donner de la tête. Mais dis-moi, pour se passer des fantaisies pareilles, ton client, il doit avoir quelque chose comme gros sous. Tu ne pourrais pas me faire faire sa connaissance ?» Santonelli eut un brusque éclat de rire. « Tu n'es pas folle. Tu ne voudrais tout de même pas que je te présente à mon futur beau-père. » La star demeura un instant bouche bée. Revenant enfin de sa stupéfaction, elle jeta. « Non, sans blague. Tu te maries, toi. Eh bien, voilà, bien une autre. Il y a de l'imprévu avec toi. Et qui épouses-tu ? Il n'y a pas d'indiscrétion à te le demander. » Aucune. Ma fiancée est la fille d'un milliardaire américain. J'ai été chercher l'héritière au pays des dollars. Mazette, rien que ça de luxe. Fille de milliardaire. Tu ne te mouches pas du pied, mon grand. Alors tu comprends qu'il ne serait guère convenable que je t'amène mon bonhomme ici. Et là-dessus, ma petite Gaby, je file. Ne bouge pas d'ici. Dans quelques heures, je rapplique avec le chèque. Malgré qu'elle ait eu pas mal d'aventures dans sa vie, l'artiste dut s'avouer que celle-ci battait le record. Qui eût jamais pensé que Luciano Santonelli la tirerait comme il le faisait du mauvais pas où elle se trouvait, lui surtout qu'elle savait ruiner. Il avait vraiment du cran, pour s'être ainsi sorti lui-même d'affaires, alors qu'il était terriblement à la côte quelques mois seulement auparavant. Et tandis qu'elle était ainsi perdue dans son beau rêve doré, le marquis revenu au grand hôtel annonçait à John Dudley la bonne nouvelle. Il avait trouvé le yacht qu'il lui fallait, une occasion unique à ne pas manquer. Il fit voir la photo de Cynthia, qu'il s'était fait remettre par la star, et le milliardaire se montra émerveillé. Lydiane fit preuve de plus de réserve. Le soir même, Gaby Massin avait son chèque. Il tardait maintenant à Dudley de prendre possession de son joujou, mais comme on ne pouvait avancer le voyage, le départ fut maintenu pour le jeudi soir.